Un invité, une liste de 10 morceaux de musique, une heure pour en parler, c'est La Liste, une émission de radio diffusée sur Campus FM, présentée par Joe Kangourou, réalisée et mixée et mise en onde par Thomas Delafosse. Et la liste d'aujourd'hui est celle de... Rémi Savignat. Thank you. Bonsoir Rémi Savigna. Bonsoir. Vous êtes guitariste, membre du collectif Troisième Face, déjà entendu, entre autres, au sein du septet Rumpus, dans le quartet LB, mais aussi dans le quartet, le Chad Quartet. On vous a également entendu en duo avec le guitariste et joueur de oud Thierry Di Filippo, ou dans La Pieuvre Irréfutable, incroyable combo, mixant avec le grain de folie qui va bien, jazz, funk, rock progressif et bougalou. Rémi Savigna, quand vous ne jouez pas live de votre instrument fétiche lors d'événements art plastique, comme vous avez pu le faire l'été dernier lors des rencontres photographiques de Lectour, ou cet automne lors d'une déambulation poétique à l'occasion des 15 ans du Centre d'art Lieu commun et de l'exposition Peinture barbare, lorsque vous n'accompagnez pas les créations de compagnies de danse ou les textes de quelques rappeurs toulousains tels Arthur Lerreur dans le morceau 36 degrés, vous dirigez Walter Sextant, quintet étincelant, énergique et inventif, dans la veine d'un rock progressif dont nous venons d'écouter Lithium, extrait d'un quatrième album éponyme sorti à l'automne dernier. Né à Béziers en 1982, installé à Toulouse depuis une douzaine d'années, découvrant le jazz et les musiques improvisées après avoir longtemps joué du rock, Rémi Savigna, vous nous amenez ce soir une liste qui nous permettra ou pas d'en savoir un peu plus sur vous, si présent sur la scène toulousaine et pourtant si discret. Deux, trois mots à rajouter à ce rapide portrait avant d'entamer votre liste, Rémi Savigna. Oh non, c'est une belle rétrospective, je me reconnais assez dans tout ça. Eh bien c'est parfait, ça augure bien de la suite. On écoute tout de suite donc ce premier morceau de la liste de Rémi Savigna qui va nous occuper pendant les 50 minutes qui suivent. Zappa, Sleep Dirt, Frank Zappa, pour entamer votre liste, Rémi Savigna. Pourquoi commencer avec ce morceau-là? Parce que ça a été une révélation que d'entendre ce morceau et l'album qui s'appelle Sleep Dirt, et que je trouve que ce morceau magnifique, absolument sublime, ce duo en fait, qui donc c'est un album de 76 et posthume, donc ils l'ont sorti après la mort de Zappa. Voilà, c'est ça. Et, il me semble, moi je lis des bêtises, je sais pas. En tout cas, lui il avait l'habitude d'enregistrer toutes ses sessions, tous ses lives, etc. Ce qui fait qu'il a pu sortir une centaine d'albums tout au long de sa carrière. Et je trouvais ça incroyable d'entendre. Alors, on n'a pas pu entendre la fin du morceau, mais à la fin, le guitariste qui l'accompagne se plante, il a les doigts fatigués, donc il s'arrête. Le morceau s'arrête comme ça parce qu'ils se sont trompés, parce qu'il y en a un des deux qui en peut plus. Et je me disais, c'est fou de faire un disque avec des bandes comme ça qui devaient traîner dans le studio. Ouais, voilà. Et cette chute là, elle est incroyable, quoi. Le morceau, il est sublime. Enfin, pour moi, il y a rien à jeter. Donc ouais, Zappa, parce que c'est pour moi un monument, c'est un guitariste exceptionnel, un chef d'orchestre et un musicien accompli, quoi, et qui a apporté beaucoup en fait pour la musique rock en général et jazz. Dans quelles conditions vous le rencontrez, cet artiste, vous le découvrez? Alors c'était un vinyle qui traînait dans la collection de disques de mes parents. C'était un ami de mes parents qui était venu pour une soirée, qui avait offert ce disque, Mais mes parents ne l'écoutaient pas, ils n'aimaient pas trop Zappa, c'était trop étrange, quoi. Mmh. Et moi, je suis tombé dessus un jour, j'ai écouté, ça a été une grosse claque, quoi, et notamment ce morceau. Qu'est-ce qu'on écoutait chez les Savinia comme musique? On écoutait Rolling Stones, on écoutait Deep Purple, on écoutait Led Zeppelin, Hendrix, Talking Heads, et il y avait aussi du Herbie Hancock, du Zappa... Klaus Schulze, ce genre de choses. Ah ouais, ouais. Voilà, il y avait beaucoup de choses. C'était assez éclectique. Ouais, ouais, mais c'était quand même très rock, quoi. Ah ouais, voilà. Rock, mais avec la version rock progressive. Ouais, c'est donc ça. Celle des années 70. Yes, Genesis, enfin tous ces groupes-là qui, moi, m'ont vraiment influencé, m'ont nourri et qui font que. Enfin voilà, aujourd'hui j'ai ces influences-là, quoi. Mais pas beaucoup de jazz, quoi. Enfin, il y avait un peu d'Herbie Hancock, mais c'était des albums comme Secrets ou. Voilà, la partie électro et funk de Hancock. C'est ça. Et il y avait ce disque donc de Zappa. Deuxième morceau de votre liste, Rémi Savigna, un morceau de Shakti, groupe à majorité indienne, plein de musiciens indiens, forme ce groupe, mais il y a aussi un guitariste assez fameux, John McLaughlin. Oui, bah c'est, ça a été un des guitaristes aussi qui a beaucoup compté sur la scène anglaise, aux côtés de Jeff Beck et de plein d'autres, Jimmy Page et compagnie, Clapton, qui a eu aussi cette partie de sa carrière avec des musiciens indiens. Voilà, et carrière qu'il avait entamée avec Mahavishnu, qui était déjà un premier essai de mixer du rock progressif avec des sonorités indiennes. Et puis aussi avec Miles dans quand même Beaches Brew, il est quand même dans l'équipe, quoi. Et voilà, donc ça a été... en fait, j'ai découvert Shakti avec une cassette VHS. Mon père m'avait enregistré il savait que je m'intéressais à la musique et au jazz. Et la nuit, il passait des émissions à la télé, donc il me faisait des cassettes. Et donc un jour, il me dit, tiens, je t'ai enregistré deux, trois trucs. Et donc je mets la VHS dans le magnéto et je tombe sur Remember Shakti, un concert à Jazz à Vienne, quoi. Mmh. Et là, bah, pareil, quoi, c'est une grosse découverte. Donc, je me suis procuré le CD et puis j'ai dévoré ce disque, quoi. Et puis, vous avez remonté à rebours pour voir ce qu'avait fait l'artiste. C'est ça. Quel âge vous aviez lorsque vous découvrez et lorsque votre père vous fait écouter Shakti? Je devais être au lycée, 15 ans, tout comme ça. À ce moment-là, vous étiez plus branché rock? Ouais, bah à ce moment-là, je commençais la guitare, donc je m'intéressais à Hendrix et puis ce genre de choses, quoi. Je savais jouer quelques accords, mais j'étais assez curieux. Je voulais découvrir plein de choses, quoi. La guitare, ça arrive comment? C'est un cadeau de Noël? Presque. C'est les premières économies? Ouais, alors, c'est un peu tout ça. En fait, c'est pour la petite histoire, c'est mon arrière-grand-père qui était violoniste qui m'avait offert un violon quand j'étais tout petit, mais ça, je ne comprenais pas comment ça fonctionnait. J'essayais d'en jouer, mais il n'y avait pas de fret. Alors du coup, ça sonnait faux. Et alors, je l'ai vendu pour acheter une guitare. Ah ouais. Voilà, c'était un musicien qui s'intéressait, enfin, qui adorait Grappelli. Et moi, je l'ai vendu pour acheter une guitare et faire des trucs. Une guitare de, façon Django Reinhardt. Façon Django, ouais. Et donc, c'était ma première guitare. Et puis, j'ai commencé comme ça avec un pote à faire quelques accords, à jouer des chansons. Et puis, c'est parti de là, quoi. Donc là, vous faites comme pas mal de guitaristes avant vous, en autodidacte, avec des méthodes empiriques. Ah oui, oui. Complètement, avec le lecteur CD. Et puis, on essaie de retrouver. La guitare est fausse, donc on à l'air. J'ai fini par, enfin, à un moment donné, j'ai pris des cours et puis j'ai avancé comme ça, comme tout le monde, quoi. Et puis petit à petit, je suis rentré au conservatoire bien après 15 ans. Après 20 ans même. Mm-hmm. Ouais. Bah, pendant quelques années, j'ai suivi quelques cours et puis j'ai commencé à comprendre un petit peu ce que c'était qu'une gamme, que c'était un accord, etc. Et puis tout ce que je faisais, ça ressemblait trop à Hendrix. Alors je me suis dit, bon, il faudrait que je fasse peut-être d'autres choses. Mon prof me disait, écoute un peu, c'est lui qui m'a dit, tiens, écoute aussi Zappa, intéresse-toi à Pastorius, au jazz, etc. Donc, et ensuite, la faculté avec la musique classique et tout ça, quoi. C'est vrai que c'est un parcours quand même assez atypique. D'habitude, on commence le conservatoire où on le fait de manière autodidacte et on en reste là. Et petit à petit, la technique, elle vient. Soit on commence très jeune par le conservatoire ou par les écoles de musique municipales. Ouais, je sais pas s'il y a un parcours type, quoi. Ouais, je pense que chacun a un parcours particulier. Et le mien, c'était celui-ci, quoi. Ouais, commencer autodidacte. Finalement, j'ai toujours été autodidacte. Moi, je considère que tout le monde l'est, même si tu intègres le conservatoire ou une grande école ou une université. Il n'y a que toi qui a. Tu travailles pour toi-même et tu fais l'effort d'apprendre les choses. Mais forcément, quand tu as des bons professeurs, ça aide et tu gagnes du temps. Oui. Mais c'est à toi de travailler, quoi. Les premiers groupes, c'était quoi? C'était des groupes de copains plutôt reprise rock? Premier groupe, c'était un duo avec un ami, Michael. Avec qui on faisait de la guitare, on faisait que jouer de la guitare, lui chantait beaucoup et donc deux guitares voix et on improvisait pendant des heures et on a des bandes, j'ai encore des cassettes qui traînent à la maison, c'était des moments super, quoi. Parce qu'on découvrait tout on était très très investis dans ce qu'on faisait et la moindre découverte était fabuleuse, on pouvait y passer des heures et ensuite ça a été groupe de rock où on faisait des reprises notamment Deep Purple ou Led Zepp. Et puis ensuite, je suis passé par pas mal de choses quand même, la chanson, le funk, voilà. Très bien, on en parlera dans les minutes qui viennent. Dollar Brand, Abdoulaye Ibrahim, Ismaël. Ouais. Donc Dollar Brand, pianiste, même si là c'est surtout le sax qu'on écoute cet extrait. Abdoulaye Ibrahim, pourquoi cet artiste? Ça a été, je crois que c'est le... Alors c'est pas le premier disque de jazz que j'ai acheté, mais peut-être le deuxième. Le premier c'était Monk. Et ça a été quand j'ai découvert le jazz à Marciac, en 2001 je crois. Et donc j'allais à la Fnac pour m'acheter des disques et j'étais tombé sur celui-ci et je l'ai trouvé super, quoi. Et ce morceau, très beau. Enfin, je le trouve. Comment vous chopez ce disque-là? C'est au hasard ou c'est parce qu'il était passé à Marciac? Non, c'est parce qu'il était pas cher. Ah ouais, d'accord. C'est parce que je pouvais me le payer. J'étais étudiant, donc pas beaucoup de moyens, et il était en promo, quoi. Tu vois. Et alors du coup, c'est comme ça que je l'ai sélectionné. Et puis je sais pas, j'aime bien la pochette qui était une photo noir et blanc, ouais, toute simple, avec un pianiste comme ça, un type derrière un piano ouvert, et puis il n'y avait rien de doula, il n'y avait rien d'autre, et ça m'a intrigué, quoi. Comme le Monk, ou je sais plus, c'était Monk's Music, il me semble. Ouais, c'était le hasard aussi, quoi. Ouais. Et donc je me disais, bon voilà, je vais piocher. Et puis j'allais beaucoup à la médiathèque pour emprunter des disques, et j'en ai beaucoup découvert là-bas. Vous dites que vous avez découvert le jazz à Marciac, ouais. Comment? Alors c'est parti d'une cassette VHS que mon père m'avait enregistrée, où il y avait dessus Wayne Krantz. Mmh. Wayne Krantz en trio avec Keith Scarlock et Tim Lefebvre. Et c'était donc un doc sur ce mec qui est passé à Marciac en 98, je crois, 99. Et j'entends parler de Marciac et je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc, Marciac? Et je comprends que c'est un festival, donc ça devait être en 2000, quoi. Mmh. Donc il n'y avait pas encore Internet, c'est pas si facile de trouver quelque chose sur Google ou quoi. Donc j'ai passé plusieurs jours à comprendre ce que c'était que Marciac et où c'était Marciac. Et j'arrêtais pas d'en parler dans la cour du lycée à mes potes. Ouais, il y a un truc à Marciac, c'est un festival de jazz, il y a des musiciens incroyables qui se produisent, je veux y aller, quoi. Et puis j'arrêtais pas de saouler tout le monde avec ça. Et à un moment donné, il y a une nana qui vient me voir et qui me dit, mais tu parles de Marciac depuis tout à l'heure, mais ma tante à moi habite Marciac, elle s'occupe des bénévoles là-bas. Donc si tu veux, je peux te donner son numéro. Et donc je l'ai appelé, et l'été d'après, j'étais bénévole au festival de Marciac. Et là, ça a été le début de toute cette histoire, toute cette imprégnation de tous ces musiciens de jazz. Et j'ai découvert la contrebasse, l'accordéon, j'ai découvert le trio jazz. Mmh. Et à partir de là, je me suis vraiment intéressé, quoi. Quand on est bénévole, on peut quand même assister à beaucoup de concerts. Alors, la première année, je faisais les sandwichs. Et j'ai compris qu'il y avait aussi une équipe qui faisait backline. Et alors, l'année d'après, j'ai réussi à me zinguer avec le mec qui s'occupait des bénévoles backline. Ouais. Et donc après, j'ai fait 4 ans en tant que backliner. Donc c'était super parce que je pouvais assister, j'étais sur le plateau. Sur la scène. Ouais, tous les soirs. Donc ouais. À 13h, on y allait pour faire les balances, préparer les... On a reçu les fiches techniques. On préparait les batteries, les amplis, tout ça. Et on restait toute l'après-midi pour être là pour les balances, pour assister tous les musiciens qui débarquaient, qui arrivaient de l'avion et tout ça. Et le soir, on restait pour le concert, on démontait, voilà. Et donc, j'ai pu voir tous les concerts de tous les festivals de Marciac entre 2002 et 2005, je crois. Ça en a fait beaucoup, quoi. Oui, oui, il y a de quoi comprendre comment fonctionne la musique. Ouais, ouais, ouais. Et puis, le milieu, et puis les musiciens, et puis, ouais, ces rencontres avec des mecs incroyables, quoi. Vraiment, ouais. Et moi, j'arrivais de mon petit village où je savais jouer 3 accords de guitare, et j'arrivais là, c'était pour moi, c'était un rêve, quoi. Ouais. Alors là, standard, à nos bons, c'est extrait d'un album d'Aldo Romano, Luis Clavis, Henri Texier, Carnet d'Afrique, si je me souviens c'est bien, vrai, le nom de l'album, le premier. Sud-africaine et Carnet de route. Ouais. Voilà, qui est un pur chef-d'œuvre. Ah ben ouais, ça c'est de toute beauté, quoi. Mmh. Vraiment, c'est très beau, c'est assez simple, et c'est très beau. Ça participe de votre découverte du jazz, ce morceau-là? Ouais, surtout qu'il est associé à une anecdote, parce que une des années où j'étais à Marciac, ils sont venus jouer, donc il y avait le trio, quoi, Romano, Sclavis, Texier, et Le Kérec était et là Kérec, aussi le photographe. Pour faire les photos. Et lui, il était là tout le festival, en fait. Et tous les jours, il était là avec ses petits, avec ses Leica à faire les photos. Et moi aussi, j'avais un appareil photo. Et du coup, je le prenais en photo pendant qu'il prenait les photos. Donc, j'ai toute une collection de photos de Guy Le Querrec sur le plateau de Marciac à faire des photos en noir et blanc. Et c'était, ouais, c'était des super moments, quoi. Et ce morceau me plaît beaucoup. Ouais, comment vous êtes rentré petit à petit dans cette musique que vous découvrez finalement vers 21, 22, 23 ans? Comment vous y êtes rentré? Y a eu un apprentissage particulier? C'est venu petit à petit? Ouais, bah c'est ça. C'est venu petit à petit. Je pense que... Ouais, une découverte progressive. Au début, je ne comprenais rien à cette musique, quoi. Comme je pense certains, beaucoup peut-être, quand tu découvres du free jazz, tu te dis qu'est-ce que c'est que ce truc, ou quand tu découvres du jazz et que tu ne sais pas. T'as pas les codes, en fait. Mmh. Enfin, la première fois que j'ai entendu un solo de contrebasse à Marciac, je me suis dit, mais c'est bizarre. C'est bizarre. Et en fait, la deuxième fois, je me suis dit, putain, c'est intéressant. Mmh. Et puis à la fin, tu te dis, bah, c'est chouette, ça te plaît, quoi. Enfin, moi, en tout cas, ça m'a plu. Ouais, donc c'est progressif, c'est petit à petit. Et c'est vrai qu'on vous sent assez amoureux de cette musique-là. Pourtant, c'est pas forcément la musique que vous fabriquez et que vous composez. C'est vrai qu'on a écouté Lithium tout à l'heure. Ça a plus à voir, je disais, rock progressif, mais qui aurait vraiment évolué avec des sons très très forts et rien à voir avec des sonorités jazz. Quand on l'a mixé, on a écouté Rage Against the Machine comme référence pour le son, tu vois. Ouais. Donc c'est pas du tout. Non. On est très loin de Suite Africaine, quoi. Mais il y a peut-être un petit peu de Suite Africaine dans Lithium. Forcément, toutes ces influences-là, tout ce que j'ai pu écouter depuis toutes ces années, m'a nourri et puis fait que... Et elle se retrouve où? Dans la construction des morceaux? Dans la façon de concevoir les arrangements? De faire des réponses entre la section, j'allais dire, complètement rock, basse, batterie, guitare et la section de cuivre? C'est peut-être une synthèse de tout ça, en fait. C'est peut-être... je sais pas trop comment. J'ai peut-être pas le recul nécessaire pour te répondre et dire est-ce qu'il y a une partie jazz dans ce que j'écris ou pas. Je sais pas trop. Je sais pas. Je sais pas. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce qu'on est en train d'écouter, c'est un album de Charles Mingus, tout seul au piano. Il n'en a pas fait des masses, des albums au piano, Charles Mingus. Pourquoi là aussi, pourquoi cette version-là de la musique de Mingus? Trouver un disque d'un musicien qui va enregistrer tout un album avec un instrument qui n'est pas le sien, parce que, enfin, pas le sien. Mingus est contrebassiste, il a mené sa carrière en tant que compositeur et chef de son ensemble et contrebassiste. Et j'imagine que le piano était l'instrument qui lui permettait de composer. Et j'imagine qu'il passait, j'ai pu voir sur des documentaires tout ça, qu'il passait beaucoup de temps au piano. Et la forme aussi du solo et d'un musicien seul avec son instrument ou avec un instrument est une forme qui me paraît permettre de montrer. D'ailleurs, le morceau s'appelle Myself When I Am Real. c'est ça. Moi-même, quand, si je crois comprendre bien l'anglais, c'est ça, c'est ce que je suis vraiment. Ce que je suis réellement quand je suis seul. Voilà. Et je sais pas, je trouvais ça. C'est beau, en fait. Mmh. Voilà. C'est vrai qu'il a un jeu très, très dépouillé, mais sans doute parce qu'effectivement, ce n'est pas un pianiste de formation, avec peu d'ornementation. Vraiment, il va à l'essentiel, et c'est peut-être ça qui rend ses morceaux émouvants. Probablement, c'est quelque chose. Voilà, il n'y a pas de technicité, de vélocité. Mmh. Il n'essaye pas de prouver ou de montrer qu'il sait bien jouer du piano. Il utilise l'harmonie, il utilise des sons, des couleurs, une ambiance, et ça me plaît. Et c'est quelque chose c'est peut-être quelque chose que j'utilise aussi, moi, en tant que guitariste, de pas forcément utiliser mon instrument comme quelque chose qui doit nécessairement être interprété de manière virtuose. Mm. Mais c'est un instrument harmonique qui me permet de sortir une palette de sons et de couleurs qui peuvent peut-être... évoquer des images à l'auditeur. Et quand j'écoute Mingus, c'est ce qui se passe. En tout cas, dans cet album, ouais. Le solo, c'est quelque chose aussi que vous pratiquez sur d'autres champs d'action. Oui. Je le disais en début d'émission, pour accompagner de la danse ou pour accompagner des expositions photos ou des expositions de peinture. C'est vrai que vous pratiquez aussi le solo. Oui, j'aime beaucoup ça. Et je suis régulièrement sollicité pour accompagner des spectacles de danse, de la photographie, ou de faire de la musique à l'image, ou des expositions, C'est quoi qu'il y a d'intéressant dans cette façon d'aborder aussi la musique? Parce que vous êtes quand même un homme de groupe. C'est vrai que la plupart des choses que l'on connaît de vous, c'est des groupes, et des gros groupes, quoi, des septettes, des sextettes. Ouais. Eh bien, ce côté dépouillé aussi, et ce côté, tu peux pas te cacher derrière un ensemble tu peux pas dire, vas-y, solo, trompettiste, vas-y, moi, pendant ce temps, je vous écoute. Non, t'es seul, et le solo, c'est quand même, pour moi, l'aboutissement sans parler personnellement, mais quand j'écoute Mingus ou quand j'écoute des solos de musiciens, je trouve que c'est probablement ce qu'il y a de plus difficile à faire, en fait, quand t'es musicien, que de te retrouver seul sur une scène devant un public, parce que tu peux te cacher derrière personne et tu dois vraiment occuper l'espace et avoir une proposition qui soit vraiment forte. Et c'est la raison pour laquelle c'est quelque chose que j'estime être à la fois difficile et à la fois nécessaire, quoi. Alors aujourd'hui, j'ai encore probablement jamais joué seul mon solo. C'est toujours dans le cadre de la danse contemporaine ou du cirque ou d'une expo photo. Mais c'est pourtant un exercice que j'apprécie particulièrement. J'adore ça, en fait, jouer seul dans un contexte d'expo ou de photo. On peut croire que ça vous arrivera de jouer seul sur scène, devant un public, dans un contexte de concert, solos. Oui, bien sûr. Ils sont quelques-uns à Toulouse à se lancer un peu dans... Joris le fait. Ortega le fait également. Ouais, ouais. Cyril Bernard. Et puis Maya. Je ne me souviens plus trop son nom. Maya Cross. Oui. Ouais. Non, ça c'est la clave. Oui. D'accord. Non, la guitariste. Ah non, je vois pas. Qui le fait aussi assez régulièrement. Donc on vous comptera bientôt dans ces experts de cet exercice casse-gueule quand même. Exactement, oui, tout à fait. Un dard venimeux, là un socle trompeur, plus loin une souche à demi trempée dans un liquide saumâtre plein de décoction d'acide. Qui vous rongerait les os, et puis l'inévitable clairière amie, vaste accueillante, les fruits à portée de main, et les délices d'hiver dissimulés dans les entrailles d'une canopée plus haut que les nues. Elle est née des caprices, elle est née des caprices. Pomme d'or, pêche de diamant, pomme d'or, pêche de diamant. Des cerises qui rosissaient ou grossissaient lorsque deux doigts s'en emparaient. Et leurs feuilles enveloppantes, la pluie et la rosée. Alain Bachung, Vénus, on vient d'écouter beaucoup de jazz et d'un coup tomber sur Bachung, c'est quelqu'un qui a vraiment compté dans l'élaboration de votre esthétique musicale. Je pense qu'il a compté dans... Ça a été un chanteur et un musicien, un artiste que j'ai beaucoup écouté, que j'aime beaucoup, que je trouve, je trouve qu'il a fait des choses incroyables, et notamment ce morceau, je sais pas, c'est un interprète incroyable. Ouais, le disque, il y a eu Fantaisie Militaire, il y a eu L'Imprudence, tout ça. Donc là, c'est Bleu Pétrole. Là, c'est Bleu Pétrole, c'est son dernier disque. J'ai eu la chance de le voir, je peux 2005, peut-être, ou un peu avant. Et c'était un moment magique, quoi, vraiment. C'était un très grand artiste, vraiment, un très grand musicien. Et pour moi, ce morceau dans l'album Bleu Pétrole, c'est une perle, quoi. C'est, au niveau des arrangements, alors, il est très différent de tous les autres morceaux dans ce disque. Il me semble que la plupart des morceaux ont été composés par Gaëtan Roussel, et celui-ci, c'est Armand Méliès qui l'a composé. Et c'est vrai qu'il sort un petit peu du lot, quoi. Il est vraiment différent des autres. Et moi, il me parle beaucoup plus que le reste du répertoire, qui est quand même très chouette. Et c'est là qu'il y a aussi, si je me souviens bien, sur cet album, une reprise de Mansé. Il voyage en solitaire, en clôture de cet album. La chanson, c'est quelque chose que vous écoutez ou que vous regardez de loin? J'écoute. En ce moment, j'écoute beaucoup Hubert Félix-Thiéphaine, par exemple. Ça me plaît bien. Je suis assez touché par certains interprètes, certains chanteurs et chanteuses de chansons françaises, quoi. Et puis je me suis rendu compte que dans ma liste il y avait que de la musique instrumentale, et à un moment donné je me suis dit, en fait c'est vrai j'écoute pas que de la musique instrumentale, j'écoute aussi de la musique chantée, les paroles, quoi. Et Bachung, probablement que la liste aurait été différente si j'avais dû la refaire aujourd'hui, peut-être, parce que ça dépend des journées. Mais voilà, ce jour-là, j'avais envie d'entendre Bachung, quoi. Ce morceau est très beau. Guitariste fameux, Marc Ribot, avec un morceau en français dans le texte, Bateau. Marc Ribot, guitariste qu'on avait découvert dans les années 70 avec Tom Waits, un peu plus tard avec les Lounge Lizard, qu'on a pu écouter aussi avec Arto Lindsay. Écouté il n'y a pas très longtemps lors d'un Rio Loco. Pour un concert assez fabuleux. Concert du soir, 22h30, tout le monde était là. J'étais pas. Concert assez magique. Marc Ribos, qui est aussi quelqu'un d'important pour votre façon d'entrevoir la guitare. Oui, bien sûr. On parlait tout à l'heure du solo, et cet album est une pépite, quoi, dans le répertoire du solo et de la guitare solo. Il excelle, quoi. Et pour le coup, il a beaucoup joué pour des expos. Aux États-Unis, à New York, tout ça, dans des galeries et tout. Et pareil, c'est un musicien accompli qui a fait énormément de choses, qui est très à l'aise dans le groupe et dans le solo, quoi. Et c'est un modèle quand même, ce Marc Ribot là. C'est quand même, c'est pas rien, quoi, ce musicien. Et ouais, ce disque est très beau et ce morceau particulièrement, je le trouve sublime. Ouais. Et peut-être ce qui peut être étonnant avec Ribot, c'est la façon assez classique qu'il a de jouer sur ce morceau-là. Au début, on a l'impression qu'il va même jouer Jeux interdits sur les 4-5 premières mesures. Ouais. Et avec le côté inventif qu'il a pu aussi avoir à d'autres moments et assez expérimental. J'ai l'impression que ça se cache dans les détails, dans les glissements de notes entre deux accords, entre des toutes petites dans l'interprétation. Vraiment, pour moi, il y a pas grand chose de classique ou d'académique en fait dans son jeu, mais par contre je sais pas, il me parle, quoi. Enfin, je trouve ça beau, je sais pas trop comment l'expliquer. Là, il joue de la guitare acoustique, de la guitare sans doute même classique. C'est un instrument qui vous intéresse, la guitare acoustique. On vous connaît surtout comme un guitariste électrique. Vous jouez sur quoi ? Sur Fender, c'est ça ? Oh, j'ai une Fender, j'ai une Gibson aussi. Ah. Je joue beaucoup sur Stratocaster. Voilà, c'est ça. Ouais. Et l'acoustique, c'est un passage que vous allez prendre ? Alors, j'ai déjà engagé ce passage-là. J'ai travaillé la folk pas mal. Et puis, j'avais découvert l'album de Pat Metheny, One Quiet Night, où il joue guitare-baryton. Quand il était passé à Marciac, peut-être 2003, j'avais pu être sur le plateau et m'occuper de ses guitares avec sa backlineuse. C'était vraiment très, très chouette. Et j'ai pu entre mes mains sont passées certaines de ses guitares. Et c'était un grand moment. Et ça a été aussi une rencontre et une découverte incroyable que Pat Metheny. Et alors ce soir-là, c'était l'été de la canicule en 2003, il y avait eu des orages le soir du concert, donc il y avait eu une coupure de courant. Donc le concert avait été c'était un fiasco parce que ça n'arrêtait pas de couper. Mais on avait eu des balances incroyables parce qu'il était resté 45 minutes seul avec sa guitare acoustique pour une poignée de techniciens et de photographes qui étaient là. Et je crois que c'était le meilleur moment de musique de tout Marciac, probablement. Et il était avec sa guitare acoustique. Quoi. Ah. Donc oui, c'est... Il y a une autre façon d'entrevoir la guitare de manière acoustique ou pas ? Est-ce qu'il y a une façon d'entrevoir la guitare de manière acoustique ? Est-ce qu'il y a une façon de jouer différente ? Est-ce qu'on recherche la même chose lorsqu'on joue de l'acoustique ? Non, bien sûr que non. Enfin... La guitare électrique, l'avantage, c'est que tu peux mettre des gros amplis. Et puis, à partir du moment où tu as un signal électronique, tu peux en faire ce que tu veux. Tu peux transformer ton instrument. La guitare acoustique, tu vas chercher vraiment l'acoustique, la pureté, la simplicité, la vibration, la résonance. Le fait d'essayer de remplir une pièce d'un son avec, sans artifice. Je dois avouer que c'est quand même... j'ai beaucoup plus travaillé la guitare électrique que la guitare acoustique et c'est un instrument très très chouette, vraiment incroyable, quoi. Mais différent de l'électrique. C'est deux instruments différents. Pour le profane, ça a à peu près la même forme, le même nombre de guitares. C'est ça. Il n'y a pas le même son, mais pour le profane, c'est... Alors ça fait plus mal aux doigts une folk qu'une guitare électrique, parce que les cordes sont un peu plus dures. C'est plus léger, la position n'est pas la même. Et puis le son n'est pas le même. Et le son n'est pas le même. Et c'est vrai que, comme vous le dites, on peut trafiquer le son d'une électrique, le son d'une acoustique, elle vient surtout de la caisse et pas d'ailleurs. Voilà. This morning, feet round for my shoe. You know about that, babe. I had them all walking blue. Woke up this morning, I feet round for my shoe. Et Et là, du coup, on en est encore à de la guitare acoustique. Eric Clapton, extrait de son album Unplugged, qui était assez à la mode dans les années 90, sur un blues assez classique, celui-là. C'est quoi, là, qui vous intéresse ? C'est le blues, c'est Clapton, c'est les deux ? C'est le groove, là. C'est le sens du rythme, c'est le placement, c'est tout ce qu'il met dans le phrasé, c'est la simplicité aussi, et c'est comment utiliser un langage, le langage du blues, et comment le pousser. On connaît Clapton parce que c'est un guitariste de blues, et il a travaillé toute sa carrière dans cette esthétique-là. Et il excelle dans cet album, il excelle dans la maîtrise de cet instrument, la guitare acoustique avec le bottleneck, l'interprétation vocale d'un standard blues. Pour moi, il y a tout dans ce morceau, quoi. C'est une espèce de condensé de ce que peut être le blues. Alors bon, c'est le blues qui s'est expatrié en Angleterre, qui a été interprété par les jeunes musiciens anglais blancs du début des années 60. Du début des années 60, qui fait que c'est les Clapton, les John Mayall, Ginger Baker, Jack Bruce, tous ces mecs-là qui ont fait connaître la musique de B.B. King, de tous ces musiciens qui étaient aux États-Unis et qui n'avaient pas encore eu de carrière. Ils ont dû venir en Europe pour être connus et avoir des carrières qui ensuite ont explosé mondialement, quoi. Et c'est vrai qu'on oublie souvent que c'est autant grâce au groupe de Steven Wood ou au groupe de Clapton ou au Rolling Stone qui, au début de leur carrière, jouaient surtout des standards du blues de Chicago que tous ces musiciens-là ont commencé à venir jouer en Europe. Exactement. Hein. Comme les musiciens de jazz, finalement, Miles Davis, Mingus, tous ces mecs-là avaient une carrière aux États-Unis, mais c'est quand ils sont venus en France, en Europe, qu'ils ont commencé à avoir des carrières internationales. Et ils le disaient eux-mêmes, quoi. C'est vraiment l'Europe, Paris et Bruxelles, ce sont des capitales, la capitale du jazz à ces moments-là pour nous, parce que aux États-Unis, on joue, oui, mais on n'arrive pas à vivre de notre musique, quoi. C'était des gars qui vendaient des pizzas la journée, qui jouaient dans les clubs le soir et puis qui vivotaient de leurs instruments. On se souvient du trajet assez désespérant de Wes Montgomery qui était ouvrier dans la journée et qui jouait toute la nuit dans des clubs de jazz au point qu'à un moment donné le corps a pas suivi et qu'il en est mort. Mais c'est vrai que et c'est vrai que Wes Montgomery, un des pionniers de la guitare de la guitare jazz dans les années 40 et 50, a bossé toute sa vie dans une usine sidérurgique. C'est ça, mais comme beaucoup d'autres, quoi, hein, beaucoup de musiciens, c'est assez compliqué quand même pour eux de vivre de leur musique. Voilà. Vous parliez du blues, c'est un idiome qui est important pour vous aussi. Ouais, le blues c'est quand même un style que j'affectionne particulièrement et qui est à l'origine de beaucoup de styles, quoi. Enfin, c'est trois accords, c'est une forme de 12 mesures, c'est le Mississippi, c'est vraiment une simplicité, une vérité, une réalité, quoi, et puis une musique, comment expliquer, je sais pas, des travailleurs, une musique des gens qui passaient leur journée dans les champs de coton et qui ensuite avaient ça comme exutoire. Je sais pas, c'est très très une très belle musique et voilà. Look at all the lovely people. Eleanor Rigby picks up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Is it for all the lonely people? Where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Father Mackenzie writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. Ça fait trois ans et demi que cette émission existe, et je crois que c'est le morceau qui a été le plus joué. Ah, c'est vrai? Depuis qu'on fait ces émissions-là. D'accord. Et celui-là en particulier. Okay. Les Beatles, c'est Eleanor Rigby tiré de l'album Revolver. Ouais. Je crois que c'est la cinquième ou la sixième fois. D'accord, okay. que ce morceau passe. Et il a quoi de si fascinant, ce morceau? Et dans votre histoire personnelle, il correspond à quoi? À quoi il correspond? Bah simplement, je sais pas, un coup. Enfin, je le trouve chouette. D'écouter les Beatles, c'est de voir. Enfin, c'est un quatuor à cordes derrière et simplement les voix de Lennon et McCartney. Et, je sais pas. Les Beatles, il y en a tellement que j'aurais pu mettre dans cette liste, quoi. C'est parce qu'il y a énormément de chefs-d'œuvre. C'est l'originalité en fait de proposer un morceau avec un quatuor à cordes, et c'est peut-être le morceau aussi qui sort du répertoire des Beatles parce qu'il a cette originalité. C'est un morceau qui parle aussi de des personnes seules, des personnes abandonnées qui errent un petit peu. C'est un sujet qui est important, qui est quand même grave aussi. C'est un morceau qui me plaît. Le Rémi Savigna jeune était Beatles ou Rolling Stone? Il était Rolling Stone. Il était clairement Rolling Stone. Le Beatles, le Rémi Savigna jeune, c'était Keith Richards. Ouais. C'est non, j'étais clairement Stones, ouais. Nettement plus With the Mean Blues et nettement plus rock. Ouais, voilà, plus rock. Et puis, j'ai découvert Beatles par la suite j'ai réalisé que c'était quand même un sacré monument aussi, et que probablement je considère que le répertoire des Beatles est plus riche encore que celui des Rolling Stones. Il y a une part peut-être d'expérimentation dans la musique des Beatles qui n'existe quasiment pas non. Dans celle des Stones. Non, c'est sûr. Ah. Ouais, bien sûr. J'allais dire, on boucle la boucle. Vous nous parliez de Hendrix comme une de vos premières idoles de guitare. On l'a fini avec Hendrix, guitare acoustique. Là, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, entre la différence entre l'acoustique et l'électrique, on peut la voir aisément. Là, autant Hendrix avec son électrique, il balance des wah-wah et des effets partout, autant là, on entend même les doigts qui changent d'accord sur ce morceau de blues. C'est ça. Et le premier morceau de la liste, c'était le Zappa, où c'était un morceau acoustique, où j'expliquais que c'est un enregistrement d'une session, voilà, où à la fin du morceau il s'arrête, au début il parle, etc. Donc c'est assez informel. Et là c'est un peu pareil, quoi. Donc c'est l'album blues, qui est sorti bien après la mort de Hendrix. Avec un best-of et que des morceaux blues qu'il a pu reprendre, quoi, et il les interprète très bien. Et là c'est un peu pareil, je crois que c'est lors d'une interview, il est filmé et puis il commence à jouer, il se plante, il reprend le morceau et puis ça fait ce morceau dans le disque, quoi. Et être capable de pouvoir mettre un micro devant un musicien, un chanteur, et puis de le faire tourner, et puis de réussir à en sortir ça au bout de assez peu de temps et de considérer que la bonne prise c'est la première, je trouve ça assez fascinant, quoi. Et Et effectivement, le côté acoustique, bah, sans phare, sans artifice, permet de vraiment palper et vraiment se rendre compte de ce que peut être un musicien. Et pour moi, Hendrix, bah, c'est il y en a pas beaucoup, enfin il y en a pas beaucoup des comme ça, quoi. Voilà. Il a eu aussi cet avantage d'avoir inventé plein de choses et peut-être pas de pomper sur des guitaristes qui étaient peu nombreux à l'époque, et d'avoir inventé des techniques de son, des techniques de jeu, ouais, qui depuis ont été pompées et repompées. Ouais, c'est ça. Bah, c'est un peu comme Django Reinhardt. Moi, je le compare un peu à Django, Hendrix, parce que il a ouvert vraiment une porte en disant voilà, on peut faire ça, quoi. Voilà. Maintenant, allez-y, je vous ai montré, quoi. La guitare, c'est pas que 6 cordes, mais c'est aussi les pédales qui vont ouais, avec. Ouais, les pédales, les amplis, l'attitude, et puis bon, une voix aussi, et puis voilà. Et puis bon, il faisait partie de tout ce mouvement, voilà, des années 60. Et ouais, c'est un, bien sûr, moi en tant que guitariste, c'est quelqu'un que j'ai écouté, comme je pense la plupart des guitaristes. Vous disiez tout à l'heure que c'est quelqu'un dont vous avez aussi pompé le jeu, essayé de pomper le jeu, les sonorités. C'est difficile après de se sortir un peu d'une influence aussi énorme. Non, moi ça n'a pas été difficile parce que je n'ai pas non plus basé tout mon jeu sur ce qu'il faisait lui. J'ai écouté Metheny, John McLaughlin, Jeff Beck, etc. Et j'essaie de prendre un petit peu chez tout le monde quelque chose qui m'intéressait, quoi. Alors peut-être parce que par flemme, j'allais pas jusqu'au bout peut-être d'une esthétique d'un guitariste, ou peut-être par envie de découvrir beaucoup d'esthétiques différentes, parce que j'ai été très attiré par des sons différents, des sonorités différentes et des rythmiques et voilà, des approches de l'instrument qui me parlaient et qui m'intriguaient, quoi, et que je voulais comprendre en fait aussi. Dans la façon dont vous jouez, donc je le disais, on vous écoute avec Walter Sextang, dans La Pieuvre Irréfutable, dans plein d'autres groupes. C'est vrai que vous avez une façon de jouer qui puisse une utilisation d'accords que de solo. Oui. Je vous ai rarement vu faire un solo sur scène, et je vous ai vu très très souvent. Vous êtes vraiment quelqu'un qui balançait du son, des nappes sonores. Exactement. Mais peu de solos. Eh ben, je crois que ça a été un long process pour aboutir à cette position où je me dis, ben, j'ai plus envie de faire de solo, peut-être parce que c'est pas forcément la partie du jeu dans laquelle je suis le plus à l'aise ou qui m'intéresse le plus. Et en revanche, il y a d'autres approches, notamment l'approche du son, de la couleur, de l'harmonie, qui est aussi un élément fondamental dans ma manière de composer, plutôt que d'utiliser l'instrument de manière mélodique et virtuose. J'apprécie beaucoup utiliser mon instrument comme une palette de couleurs. Donc c'est vraiment l'harmonie, le son et aussi la forme, en fait. Quand j'écris pour Walter Sextang, par exemple, j'attache beaucoup d'importance à la forme du morceau, et chose que je trouve on oublie assez souvent, en fait, pas seulement en musique, mais ça peut être dans d'autres pratiques artistiques comme la danse ou la photo ou la peinture. La peinture, ouais, alors tout ce qui va être spectacle vivant, quoi. La forme, enfin voilà, j'attache beaucoup d'importance à la forme d'une pièce, qu'elle soit musicale ou chorégraphique ou quelle qu'elle soit. Donc ouais. Qu'à la technique. Ouais, qu'à la technique ou qu'au langage, d'un point de vue plus, si on doit faire un focus sur un élément très précis, je préfère prendre du recul sur les choses et avoir une vision globale d'une pièce, quoi. Chose que l'on pourra voir assez régulièrement à Toulouse, puisque je le disais en début d'émission, même si son nom est peu connu des amateurs de musique à Toulouse, sa présence est assez régulière dans pas mal de groupes à Toulouse, ce qui fait que Rémi Savignan est un des musiciens que l'on a l'occasion de voir assez régulièrement sur les divers salles et clubs toulousains. Je vous engage à aller vérifier sur place. Nous, cette émission est terminée pour ce soir. Merci Rémi d'être passé ici pour nous raconter un peu votre cheminement musical. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Je rappelle que l'album de Walter Sextang, déjà le quatrième, Lithium, est sorti cet automne et disponible un peu partout, sur toutes les plateformes, bien évidemment, mais également sous forme de CD que l'on peut acheter chez les disquaires. Puisque, je vous le rappelle, il y a encore des disquaires à Toulouse. Merci Rémi Savigna d'être beaucoup passé ce soir. Merci à Thomas Delafosse d'avoir réalisé cette émission. Merci à Loïc Laporte d'en avoir composé le générique. Merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve une prochaine fois et ça va arriver assez rapidement. Bye.